Le dirigeant suprême du Parti du Travail, de l'État et de l'armée de Corée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté l'usine de machines de précision de Gangdong. À l'exposition de produits nouvellement aménagés, à l'atelier d'usinage et à d'autres endroits, il s'est renseigné en détail sur la production, la modernisation et la qualité de produits. Il a dit que l'exposition est bien construite, que tout lui plaît, y compris l'exhibition de divers produits beaux à voir, faciles à manipuler et de très haute performance, et que la technique d'usinage des machines de précision de l'usine est au niveau mondial. Le dirigeant suprême a visité la salle de vulgarisation de la science et de la technique nouvellement construite. Il a dit « La gestion efficace de la salle de vulgarisation est une importante entreprise pour appliquer à fond l'orientation du parti en matière de formation de tout le peuple en talents scientifiques et techniques. Il faut amener le personnel à normaliser tous les jours l'étude des connaissances scientifiques et techniques de pointe de façon à rehausser sans cesse le niveau technique et professionnel et élargir la sphère de connaissances et à devenir technicien et savant du temps moderne. » Le dirigeant suprême a visité aussi la salle de transformation de soja, le centre de service public Unzong de Ponghwa et les maisons d'habitation. Il a apprécié la gestion de la salle qui produit des germes et du fromage de soja, etc. Avec une grande joie, il a déclaré « Le centre de service public contient les salles de bain public, la piscine, les salons de coiffure, la salle de tennis de table, la salle de gymnastique médicale, la salle de repas et d'autres. Tous ces éléments me plaisent. Elle est bien éclairée et décente. Le plafond vitré est une bonne conception. Les ouvriers et leurs familles peuvent mener une vie culturelle comme dans les villes. Les maisons d'habitation aussi sont impeccables. Le personnel sera content de l'ameublement de bonne qualité. L'emménagement doit être organisé à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Les machines qui tournent en plein rendement pour la production accrue laissent entrevoir l'ardeur des ouvriers de l'usine, déterminés à construire davantage de machines de précision selon l'intention du parti. Le dirigeant suprême a précisé des tâches posées devant l'usine et s'est fait photographier en souvenir avec les cadres et les ouvriers de l'usine. Il a été accompagné des chefs adjoints de département du comité central du Parti du Travail de Corée, Cho Yong-won et Yu Jin.